Page d'histoire qui se tourne ce matin. On apprenait ce matin le décès de Thomas Ouellette, un an et à peu près 3 mois après celui de Jean. Thomas Ouellette et les frères Ouellette, c'est une icône de l'Outaouais. C'est une légende pratiquement pour les jeunes qui ont pratiqué le hockey mineur entre les années 50 et 2000. Et pour en parler, ben, on rejoint à Trois-Rivières un grand bénévole à l'époque. C'est Paul Ménard. Salut, Paul. Bonjour, Denis. Paul, c'est une page d'histoire vraiment qui se tourne pour Dolbeau-Missassini, hein? Oui, c'est une bonne page d'histoire parce que, comme on dit tantôt, tu viens de mentionner justement, Jean est décédé l'année dernière, puis les deux frères ensemble. En 2008, on avait souligné les apports au niveau du hockey mineur. Puis, même à l'aréna, présentement, du secteur Dolbeau, il y a une bannière accrochée au plafond en l'honneur de ces deux personnes-là qui ont donné beaucoup de temps. Au niveau des jeunes du hockey mineur, ça, ils ont commencé en attachant des lacets de patins. Puis, vous savez comment les jeunes, il faut toujours mettre le pouce avant de faire le nœud puis la boucle, là. Donc, en réalité, ils ont commencé en ce temps-là. Puis, à eux deux, ils totalisaient au-dessus de 100 ans de bénévolat au niveau de la ville de Beaumont-Sisney. Qui a commencé le premier? Thomas, en étant plus âgé, moi, là, tu me recules dans mes souvenirs aussi, là. Quand je suis arrivé à Dolbeau pour les Castors, c'était en 79-70, puis Thomas était déjà avec les Barons de Dolbeau, du temps, l'équipe senior. Puis, Jean, lui, était du côté des Castors. Donc, moi, j'ai connu très bien les deux frères, puis même après les pratiques plus tard, ce qu'on dit, il y avait toujours une personne qui allait les reconduire, parce que ces deux-là, ils restaient. Thomas puis Jean, il restait cette allégation à M. Adelard-Ouellet, puis il restait un petit peu, on peut dire, pas à l'extérieur de la ville, mais pas loin. Anciennement, chez Duchette-et-Bélanger ou Stop Bouffe, dans ce coin-là. Puis, il demandait pas à personne pour aller les reconduire. Il partait à pied, puis il y a toujours quelqu'un qui reconnaissait, puis il les embarquait, puis il allait les mener à la maison. C'était des passionnés de hockey, hein. Fallait aimer ça pareil pour être toujours à l'aréna, les deux, là. Ah oui, puis c'était par habitude. Comme on dit, débuté avec les petits Marceaux. Moi, quand je suis arrivé, là, c'était les petits Marceaux qui avaient un certain contrôle de l'aréna. Ils étaient tout le temps là, puis des bons bénévoles aussi. Mais Jean-Pierre Lalor, hein, puis Jean, puis Thomas ont été acceptés par cette famille-là, d'une certaine façon. Puis ils lui donnaient des petites tâches à faire, puis les tâches étaient tout le temps bien faites. Donc, ils ont resté dans l'aréna régulièrement, puis il rentrait le matin. Si c'était pour faire des stocks de hockey ou défaire des stocks de hockey, là, que ce soit junior, senior, puis moi, à ma connaissance, midget aussi, parce que j'ai été 7 ans avec les Castors midget, Thomas était avec nous autres, puis il voulait pas que les joueurs... Quand on arrivait d'un voyage de l'extérieur, c'était marqué « Laissez vos stocks-là, moi, demain matin, moi, les défaire. » Puis, ah oui, c'était du monde de service, puis je sais pas si Delbourg a été capable de s'en passer, mais quelque part, là. Ben, quelque part à l'époque, c'est sûr qu'on ne verra plus jamais ça. Je parlais avec Dave Girard, qui est le président du Senior actuellement, puis il a dit on ne verra plus ça. Là. Ces deux frères-là, 100 ans d'expérience, 100 ans de bénévoles, on ne verra plus ça. Là. Il y a Tom Lamotte qui est souvent dans les arénas, sauf que Tom, Oui. c'est pas si longtemps pareil, là. Ah oui, puis après ça, moi j'en garde. Je pense que M. Lamotte a commencé avec le bantam optimisme, mais il y a du millage aussi. Lui, c'en est encore un, ça. Comme on voit, dans toutes les arénas qu'on va, on voit passer Tom. Puis en plus, il est chanceux, il gagne souvent les moitiés-moitiés. Effectivement. Mais toi, tu l'as amené dans les castors. Il était déjà dans les castors quand tu as pris castor, toi? Castor Midget, qui était déjà là. Moi, je suis arrivé en 2002. Après ça, j'ai terminé en 2009, mais en 2002, oui, il était déjà là. Il était peut-être moins apparent, il était préposé au bâton. Puis quand il y avait un joueur de blessé, ben, c'est lui qui était en charge de l'amener dans la chambre là, comme il pouvait. Puis après ça, ben là, comme on dit, soit qu'on contactait un médecin ou on en avait, mettons, dans l'équipe de hockey. Puis Thomas s'occupait de ses jeunes, là, pareil comme si c'était ses enfants, d'une certaine façon. Ben oui. Puis ça, quelque part, ça les valorisait comme je disais. T'as-tu un souvenir particulier? Ah, Ou une souvenir. anecdote particulière? Une anecdote, bonne question. Je pense que oui, il y en a qui se sont des fois ont fait des plaisanteries avec Thomas Petitjean, mais il s'en est pas fait beaucoup. À ma connaissance, là, il y avait un respect. Puis moi, je vois pas trop là, quand on en a parlé tout à l'heure, là, à quel endroit qui aurait pu arriver des, mettons, des choses comiques ou des. C'est du monde qui était toujours à leurs endroits. Puis comme nous autres, malheureusement, en 2008, ça va, lui, commençait à avoir des pertes d'équilibre. Okay. Donc, dans une chambre de joueurs de hockey, des fois, les sacs traînaient où il y avait des bâtons, puis c'était arrivé une ou deux fois là que il était tombé, puis là, ben, tout le monde était mal à l'aise parce qu'on voulait pas qu'il se blesse non plus. Puis tranquillement, on s'est aperçu que whoop, il manquait une pratique. Puis d'un coup, le voit tranquillement là. Après ça, il était en pension aussi chez Daniel Savard. Ben oui, Savard, c'était ma prochaine question. Daniel Savard, Daniel a fait beaucoup pour les frères Ouellet, hein? Ah oui. C'est comme on dit, Daniel, c'est un gars qui est toujours reconnu. Il a fait beaucoup de bénévolat. Il était, je pense, 14 ans où, comme échevin à la ville. Puis moi, je considère ça comme du bénévolat parce que 365 jours par année, là, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à demander. Là. Mm. Puis Daniel, lui, il faisait du bénévolat. Ses garçons jouaient au hockey. Après ça, pour lui, c'était comme normal que Thomas aille en pension chez eux. C'était comme là un remerciement de son côté. OK. Ben, on rappelle également que les funérailles seront célébrées samedi à 15h30 au salon funéraire à Père et Fils. Et à compter de midi, la famille pourra recevoir les gens qui vont aller se recueillir devant la dépouille de Thomas Ouellet, évidemment. C'est une grosse page du soir qui se tourne. Faut vraiment être, je dirais, des années 50 à 2010. Tous ceux et celles qui ont pratiqué le sport, même est-ce que c'était rien que du hockey, parce qu'il y avait d'autres sports, dans ce temps-là, il y avait le ballon-balai aussi. Est-ce que le ballon-balai, il s'impliquait aussi dans le ballon-balai, tu sais pas? Probable dans le temps de la brosse chez Noël. Il y avait beaucoup justement des petits marceaux qui jouaient pour la brosse chez Noël, tout ça. Ouais. Il y avait l'hôtel Milo. Donc j'imagine que Thomas, parce que nous autres, on était consacrés à 100% au hockey là, dans le temps que je l'ai connu. Mais je sais qu'il y avait des équipes de ballon-ballet, puis je suis convaincu que Thomas ne devait pas être loin parce que c'était tous ses amis, lui, tous ceux-là qui jouaient au ballon-ballet puis jouaient au hockey. À condition que tu étais dans un aréna, tu étais son ami, c'était sûr et certain. Ah, effectivement. Paul, merci beaucoup de l'hommage que tu rends aujourd'hui à Thomas Ouellet. Puis, il y a une chose, comme là, c'est sûr que, oui, il va y avoir les funérailles, mais j'espère que le monde de Boom Sesni vont prendre le temps de se déplacer pour aller voir justement une personne qui a donné beaucoup de son temps. On peut pas dire de son argent, mais beaucoup de son temps. Ah. Puis, comment dire, on a grandi avec. Ouais. Ben merci beaucoup. Donc voilà, donc c'était Thomas, c'était Paul Ménard qui nous rendait hommage à Thomas Ouellet qui est décédé ce matin.